cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man ittaba'a hudaham ma ba'd. Mada akhadna fi darsina al-akhir, fi awa'iq al-talab, tfattal. Talib al-ladhi yata'allam bil-kutub bila rujua'i al-ulama, fa fi khatar. Na'am al-i'timad ala al-kutub bidun al-ulama. Al-i'timad, ce mot, il est important. L'i'timad, l'i'timad, c'est le fait de s'accrocher. Il s'accroche au livre, tous ses efforts, c'est dans les livres, sans revenir au savant. Hada, taqaddam ma'ana at-tafsil. Annahu, s'il n'y a pas de savant, il n'y a pas d'assise, il ne peut pas, alors qu'il voudrait. Et il fait ce qu'il peut avec les livres. Lakin, il essaye toujours d'avoir un lien avec Ahlul Ilm. S'il n'a pas compris, il pose ses questions. Et annahu, il ne se précipite pas. Et il fait des efforts pour maîtriser la langue arabe ou l'osoul, pour pouvoir comprendre ses livres. Fahada alabas. Il fait du'a en Allah subhanahu wa ta'ala yubarik lahu fi ijtihadihi wa fi waqtihi wa fi talabihi. Fahada bi'idnillahi azza wa jalla sayastafid. Amma wahid, tout sur les livres et aucun contact avec l'ulama, il se précipite et il se met en avant alors qu'il a jamais étudié inda ahl al-'ilm, hada sayadhur nafsah wa yadhur ghayrah. هذا خلاصة ما تقدم. قال رحمه الله العائق الرابع أخذ العلم عن الأصاغر. Quatrième obstacle, أخذ العلم عن الأصاغر. C'est lié avec l'obstacle précédent. L'obstacle précédent, délaisser les savants et prendre que des livres. هذا يأخذ العلم عند بعض الناس لكن يدلس العلماء الكبار الراسخون. Et il revient à des gens qu'ils n'ont pas les compétences. هذا تستفيد أن العلم, tu ne l'étudies pas chez n'importe qui. العلم له أهله, des personnes qui se sont sacrifiées, qui se sont consacrées à ce علم, des personnes qui ont été recommandées par أهل العلم, par leur مشايخ, des personnes qui ont fait des efforts, qui ont compris, qui ont de l'expérience. ولله الحمد. هذا ça nous montre que ce n'est pas tous ceux qui parlent. On doit forcément les écouter. C'est pas celui qui propage. Forcément, on doit profiter de ce qu'il propage. La khassatan à notre époque. Cette époque de fitna. Cette époque kathura fiha al-juhal wa al-muta'alimoun wa al-fatanoun. Al-talib, il fait très très attention. Limada li anna hadha al-ilm bi-idhnillahi azza wa jal se najatuk. C'est ce qui nous sauvera. Bi'idnillahi azza wa jalla. Lakin, pour qu'on profite de hadha al-ilm, on doit le prendre. Kama fahimahu as-salaf. Wa illa wahid, il peut déformer, il peut expliquer à sa manière. Il peut se précipiter, il peut déformer. Thumma ce ilm, ça devient une dalwa. Ala sahibi. On fait attention, c'est important de prendre l'ilm à ses sources. Avec le Qur'an ou le sunnah. كذلك c'est important la compréhension على فهم سلف الأمة. كذلك c'est important de nos jours de revenir à أهل العلم. لأن السلف رضي الله تعالى عنهم ils sont morts. Il y a des décennies, des siècles entre nous et les سلف. Enfin, qui c'est qui va faire le lien entre nous et السلف? Que ce soit الصحابة رضي الله عنهم. Que ce soit الأئمة الكبار. كالإمام مالك, الإمام الشافعي, الإمام سفيان الثوري. L'imam Abdullah ibn Mubarak, Sufyan ibn Uyayna, l'imam Ahmed, tout cela, qui c'est qui va nous faire le lien? كذلك العلماء المتقدمون كشيخ الإسلام ابن تيمية, l'imam ibn al-Qayyim, l'imam al-Baghawi, l'imam ibn Kathir, l'imam ibn Rajab. Qui c'est qui va faire le lien? C'est العلماء المعاصرون. Allez, هذا شيخ عبد السلام, il a mis en garde de ne pas prendre directement des livres alors que l'insan n'a pas la capacité et il délaisse revenir à l'ulama. Thumma, il te montre, si tu es motivé et tu as compris et tu veux prendre l'ilm chez un contemporain, fais attention, ce n'est pas de tout le monde. Ihdhar min al-asagir. Baqiya, c'est qui l'asagir? Al-asagir, c'est le pluriel de sagir. Il est petit. Al-Asagir, tu as Al-Kibar, ou Al-Akabir, Aïmina Al-Ulama, Aïmina les grands savants, et on a Al-Asagir. Ça vient de Sagir, Al-Sigar, les petits. بقي السكي حتى نحذر. شيخ عبد السلام رحمة الله عليه إذا فعل تفصيل جميل فنقرأ. قال لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن صغار الأسنان بين الطلاب العلم في هذا الزمن. صحيح أن ساسي بخوباجي هذا أن بعض الطلاب يدلس العلماء الكبار ceux qui ont beaucoup d'expérience, qui ont donné beaucoup de temps, qui sont recommandés par leur mashayikh ila akhiri, thumma ya'khudun 'an al-asagir. Et ça cause des fitan. Si tout le monde parle, ça divise. Al-ulama yaqulun kada, thumma tu trouves des autres, ils disent autre chose. Et ça divise tout le monde. Iyadan billah. Qal wa hadhihi al-zahira, fi al-haqiqa, da'un 'udhal, wa maradun muzmin. يعيق الطالب عن مراده ويعوج به عن الطريق السليم الموصل إلى العلم. C'est un obstacle. ولو si ce jeune, ce طالب, il veut faire des efforts pour العلم, il a des objectifs, لكن le moyen il est mauvais. C'est comme si واحد il veut se soigner et il va vers un débutant في الطب, واحد qui ne maîtrise pas la médecine. Il se réclame et prétend, ربما il a un cabinet, ربما il a des choses, mais il est connu pour se précipiter, il est connu pour faire des erreurs. Est-ce qu'on va aller عنده? Là, celui qui va عنده, ربما il va se faire du mal. On va rechercher les médecins, les docteurs qui ont de la, des compétences, de l'expérience, ils ont un vécu. Et نستفيد منهم هكذا avec العلم. قال وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان. صغار الأسنان c'est les jeunes. Cheikh Abd Salam à partir de là ou au début قال عن صغار الأسنان وهنا قال كذلك عن صغار الأسنان أي les jeunes au niveau de l'âge. Vous allez voir que les ulama ils ont expliqué l'assagir avec plusieurs ma'an منها l'assagir au niveau de l'âge كذلك l'assagir au niveau du ilm. Voilà aussi, il est vieux, mais il n'a pas beaucoup de l'ilm. Pas beaucoup de l'ilm. Ça reste un sagir, il est min al-asagir. Kadhalik, ils l'ont expliqué, al-asagir, bi al-bid'a, wal-inhira. Même s'il est âgé, même s'il a du ilm, mais il n'est pas à la manhaj al-salaf, il fait partie de l'asagir. Et Cheikh Abd Salam, il va résumer tout ça, mais on cite هنا, hatta, ça, inshallah, ça nous ouvre une porte pour qu'on comprenne. Wa illa, il va citer ça. Et on va y lire ensemble, Inch'Allah. قال وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم تشب لحاهم فيه مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما يضعف أو يضعف أساس المبتدئ ويحرمه الاستفادة من خبرة العلماء الكبار. قال واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن. وهذا واضح أن العلم يفوت الطم. فواحد مثلا من العلماء الكبار ربما ils ont commencé طلب العلم à l'âge de 10 ans الحفظ إلى آخره ثم peut-être qu'aujourd'hui il a 80, 70, 90, لا شك أن الزمن طويل طلب العلم خاصة طلب العلم عند المشايخ إلى آخره. هذا استفاد وسيفيد avec toute son expérience, avec son vécu, avec tous les livres, avec le hifd, avec لا شك بإذن الله عز وجل c'est un savant de la sunna, سنستفيد منه. أما واحد quelques années il n'a pas tout ce vécu, il n'a pas beaucoup de العلم في الحقيقة, لأن العلم il faut du temps. ثم il se met en avant, والفتوى والقيل والقال والجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. هذا peut-être qu'il n'aura pas la capacité en général, لأن on va voir أن بعض العلماء ils étaient très jeunes et الحمد لله ils avaient beaucoup de علم. لكن كلام شيخ عبد السلام الآن c'est en général, c'est comme ça. لا يستطيع أحد أن ينكر هذا, لا يستطيع أحد أن ينكر هذا, لأن العلم il faut du temps. لكن ça arrive أن بعض الشباب très vite ils atteignent un haut niveau مع ملازمة العلماء et avec taqwa Allah, alhamdulillah, ça devient des références alors qu'ils sont jeunes. قال الشيخ عبد السلام إلى غير ذلك من التعليلات التي يوحي بها أثر ابن مسعود رضي الله عنه حيث يقول Ça, c'est la parole de Abdullah ibn Mas'ud, al-Sahabi al-Jalil. ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوا عن صغارهم وشرارهم هلكوا. Ça nous montre, on ne prend pas le ilm de n'importe qui. Celui qui veut un naja, il veut que ce ilm lui soit profitable. Il veut avancer à l'ikhlas. Awalan. Et c'est le premier obstacle qu'on avait cité, ou le contraire, attention à la mauvaise niya. La bonne intention, awalan. Les efforts, thaniyan. Et les efforts, ça doit être basé sur un programme, manhajiyya. Et on a détaillé, walillahi alhamd. Kadhalik, un point essentiel, fais attention de qui tu prends l'ilm. Il y en a, tu peux être motivé, tu peux être sincère, tu peux avoir compris comment étudier, et la personne qui te le donne, il n'a pas les compétences. Ah, tu vas te faire du mal. Rubbama, il déforme. Rubbama, il se précipite. Rubbama, il explique mal. Et iyadam billah, c'est une cause d'égarement. Faites attention de qui on prend l'ilm. Et chacun a sa place. Qala, وَلَا يَزَلْ نَاسْ بِخَيْرِ مَا أَخَذُوا الْعِلْمِ عَنْ أَكَابِرِهِمْ. هذا c'est كلام ابن مسعود رضي الله عنه. Ça montre أن العلماء ils sont pas tous au même niveau. أهل العلم ils sont pas tous au même niveau. منهم أكابر. Et بعضهم ils prétendent d'avoir du علم. Et في الحقيقة ils font partie de الأصاغر. On fait attention. العلم هذا il faut faire attention à العاطفة, les sentiments. Même si tu le connais, même s'il parle bien, même s'il a été recommandé, si il n'a pas été recommandé par Ahl al-Ilm, on fait cette précision, il y en a Kathir, mais il y en a, il recommande. Lakin, cette recommandation, tu ne la prends pas de n'importe qui, tu dois la prendre de l'ulama. Ba'd al-Nas, à notre époque, Wallahi, ils prennent l'ilm inda Ba'd al-Nas et ne connaissent rien d'eux, rien de leur parcours. Apparu sur les réseaux sociaux, sur internet, ma ahad yadri anhu shay'an bal lui-même yafdah nafsa. Aïe, avec certains, avec leurs paroles, avec leurs dhaf, ils ont de la faiblesse fil ilm, wa fil hifz, wa fil kalam. Wallahi, ba'duhum, ils donnent des durus, hatta l'arabiya, on ne dit pas, il la connaît, là, il la connaît pas, hatta la prononciation. Et tu trouves des jama'at qui prennent l'ilm inda. Des suiveurs. L'imam, c'est un système de nos jours, système d'internet. Système d'internet, les réseaux sociaux, al-mizan, c'est pas l'ilm. Inda kathir min al-nas. Amma, alhamdulillah, ba'd al-ikhwan, ils ont les bonnes bases. Et ils regardent pas les suiveurs, les abonnés, ils regardent pas tout ça, ils regardent l'ilm. Et c'est ça, as-sahih. Amma, cette nouvelle génération, vu que kathir minhum, ils ont été éduqués dans ce système. Avoir des suiveurs, la popularité, la célébrité. Tu trouves l'un, Ba'd al-Juhal, ils ouvrent des comptes sur les réseaux sociaux et des milliers de suiveurs. Et des doros, il a akhiré. Mais c'est que des fitans et du djah. Et masakin, les ignorants qui les suivent, ils ne savent pas. C'est des victimes, fil haqiqa. C'est pour ça qu'on doit craindre Allah. Conseiller, montrer et conseiller aux frères de faire des efforts pour pouvoir profiter de l'ulama. Attention, ne vous habituez pas à toujours en français. On a déjà expliqué, tant que tu ne maîtriseras pas l'arabe, toujours entre toi et le savant, il y aura un intermédiaire. Ils parlent bien l'arabie. Leurs livres sont en langue arabe, leurs assises sont en langue arabe. Il faut avoir un certain niveau en langue arabe pour comprendre. C'est la langue arabe littéraire. Lakin, on ne désespère pas. Faites des efforts. Comme Minal Ikhwa, ils ne maîtrisaient rien dans la langue arabe. C'était pas leur langue maternelle. Walhamdulillah, al-an, ils sont assis inda ulama et ils profitent ila akhir. Lakin, les efforts. Les efforts et le temps que tu apprennes, fais attention de qui tu prends. N'ouvre pas la porte. C'est pas le premier qui parle, le premier qui fait un dors, le premier qui a été conseillé, khalas, on se précipite et on prend tout de lui. Ka'annahu c'est Cheikh al-Islam. C'est un khata kabir. Et sma' kalam l'ulama comme ils mettent en garde contre hadhihi al-fitna. قال رحمه الله وثبت الحديث عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر بل هنا حديث du prophète صلى الله عليه وسلم parmi les signes de la fin du temps من أشراط الساعة أن يلتمس العلم أي لفت دو غوشيخش العلم لا سيونس عند الأصاغر. الحديث هذا صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. الشيخ الألباني لا أوتنتيفي هذا الحديث. C'est une fitna. Ben, c'est parmi les signes de la fin des temps. C'est pour ça que tout ce système, là, les réseaux sociaux et tout le monde parle, tout le monde fait des fatwas, c'est une ashrat issa'a. Enfin, fais attention, c'est une fitna. Illa l'ilm, alhamdulillah, les ulama, ils sont présents. Et les ulama, ils ont des assises. Et les ulama, ils ont des livres. Et les ulama, ils ont des élèves. Fastavid min ha'oula. Et délaisse al-juhal. Et délaisse al-fitan. Et délaisse al-qil ou al-qal. وقد اختلف الناس في تفسير الصغار هنا على أقوال ذكرها ابن عبد البر في الجامع والشاطبي في الاعتصام. Ça c'est une faïda. أن celui qui veut approfondir le sujet, خاصة pour celui qui maîtrise l'arabe, et il veut détailler هذا اللفظ في هذا الحديث الأصاغر أو dans حديث dans l'athar d'Ibn Mas'ud كذلك أو dans la parole d'Ahl al-Ilm, souvent il cite هذا. On garde contre Al-Asagir, et il est petit. Al-Imam Ibn Abd al-Barr, rahmatullah alayhi, Jami' Ibn al-Ilm, wa fadlih, il a détaillé, wa kadhalik Al-Imam Abu Ishaq, al-Shatibi, rahmatullah alayhi, fil i'tisam. Ça, c'est deux références, si tu veux détailler. Et Cheikh Abdus Salam, il a résumé, naqra. Qala, rahimahullah, wa qad dhahab ibn Qutayba, rahimahullah ta'ala, ila anna al-sigar, hum sigar ul-asnan. Gha'adha al-ulama, ils ont expliqué anna as-sighar, qui sont cités dans le hadith et dans Kalam et Ibn Mas'ud et dans d'autres, c'est par rapport à l'âge. Faites attention de prendre l'ilm chez les jeunes. Et ils n'ont pas atteint un certain âge. Pourquoi ? Qala. Faqala ala athar Ibn Mas'ud al-anif al-dhikr. Aïe, celui qu'on a lu. Qabla qalid. Hada Kalam Ibn Qutayba. يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ. المشايخ هنا الشيخ c'est celui qui a atteint un certain âge. هكذا il est employé قديما. C'est من معاني في اللغة. الشيخ c'est pas forcément celui qui a du علم. نحن de nos jours maintenant c'est employé pour celui qui a du علم. لكن حتى إلى الآن dans des pays arabes ils disent الشيخ et ils veulent une personne âgée. قال ما كان علماؤهم المشايخ أي leurs savants c'est المشايخ ceux qui avaient un âge avancé ولم يكن علماؤهم الأحداث الأحداث الحدث c'est le jeune il est encore dans la vingtaine dans la trentaine il n'a pas atteint الشيخوخة قال لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة et ça c'est صحيح. En général, le vieux, il est loin de هذا, la précipitation, الشهوات, الطمع في الدنيا. Alors que le jeune, il est concerné, il est encore jeune, il est encore attiré par certaines شهوات. Il est encore attiré par, il veut se montrer, il se précipite. Tu le vois هذا, chez les enfants et chez les jeunes. أما الكبير في السن, bien sûr, on parle un, ceux qui ont du علم. Son علم, s'il le met en application, enfin, Alhamdulillah, ça l'a éduqué. Il est calme, il ne se précipite pas, il a de l'expérience, il a akhir. قال ولا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. هذا في الغالب. وإلا بعض الشيبات, certaines personnes âgées, ربما ils suivent الهوى. S'ils n'appliquent pas هذا العلم, ils ne sont pas à la sunna. هذا c'est في الغالب. Ou c'est pour ceux qui appliquent l'ilm, inshallah, ils sont loin de هذا. قال فمع السن الوقار والجلالة والهيبة. مع السن, avec l'âge avancé. الوقار والجلالة والهيبة. Et le respect, le calme, l'expérience. أما الشاب, هكذا en général, il se précipite. On le voit هذا, les débutants. Ils ont beaucoup d'énergie, ils se précipitent, ils s'avancent dans certaines choses. Thumma, la vie, elle donne des leçons. Des erreurs, des fitans, des accusations. Thumma l'insan, avec le temps, il se calme. قال والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ. On répète, في الغالب, وإلا فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. Tant que l'insan il est vivant, il n'est pas à l'abri. Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, lakin fil ghalib, les personnes âgées, ils sont plus calmes, ils se précipitent moins que les jeunes. فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَأَفْتَى هَلَكَ وَأَهْلَكَ. Amma celui qui se précipite, et tout ce qu'il a cité à l'imam Nuqtayba, rahmatullah alayhi, il n'apprend pas l'ilm correctement. Il ne revient pas à ahlul ilm al-kibar. Il se fait du mal à lui et aux autres. وقد روى ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قد علمت متى صلح الناس ومتى فسادهم إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا. نعم ينظر صحة هذا الأثر ما أدري عن حاله لكن لا معنى سأصاب ما تقدم. وروى ابن عبد البر أيضا عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كأنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنكم لن تزالوا بخير مادى العلم في كباركم فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير والكبير. لا ممشو سعوذين دائما الصغير والكبير. قال ففي هذين الأثرين تعليل لعدم الأخذ عن الصغير آخر أي تعليل آخر. Entre les deux traits, c'est une explication. فَفِي هَذَيْنَ الْأَثَرَيْنَ تَعْلِيلٌ لِعَدَمَ الْأَخْطِ عَنِ الصَّغِيرِ آخر غير الذي ذكره ابن قتيبة وهو خشية رد العلم إذا جاء من الصغير. بعض العلماء كذلك montrent pourquoi le jeune ne doit pas se précipiter. في الحقيقة ça c'est une حكمة نستفيد منها كثيرا. On doit en profiter. أن أحيانا même si on connaît la réponse, même si une mas'ala est tu sais, lakin, les savants, alhamdoulilah, ils sont présents. Les livres, ils sont présents. Les audios, ils sont présents. On peut téléphoner. Ce n'est pas min al-hikma, on se met en avant. Limadha li'anna, ça va habituer les générations d'après, ou les plus jeunes, à se précipiter kadhalik. Amma min al-hikma, c'est même des fois, on sait. Al-amri la-wadih, on revient à ahlul ilm. Au lieu que nous, on parle, on prend la fatwa d'un savant. Cheikh Fulan قال. Ou si c'est une mas'ala, on n'a pas de marji', on appelle. Cheikh Fulan قال. Faut vous habituer à هذا. Sans conseiller, nous daïman les frères, certaines questions, même si la réponse, elle n'est pas compliquée, revenez à Ahl al-Ilm. Hatta on s'habitue. Les annas, si on ouvre la porte, et tout le monde parle, toutes les questions, comme yaqul ba'd, mais cette question, c'est simple. Ce sujet, il est simple. Naam, un jour il y aura une question compliquée et beaucoup de gens vont croire que c'est simple et ils vont s'avancer. Et c'est ça le fitna. Donc s'éduquer à hada, ne pas passer avant le ulama. قال وعلى كل حال فإن لفظ الصغير إن لفظ الصغيرة أو قال وعلى كل فإن لفظ الصغير عام تتناول الصغير حسا ومعنى. Il va résumer le sujet là. Et c'est qui as-saghir? Et le petit, on doit s'écarter min fil ilm, on ne prend pas de lui. Qala tatanawala as-saghir hissan wa ma'na. Ça englobe as-saghir fi sin, ay dans l'âge, et kadhalik as-saghir fi ma'na, ay c'est un saghir fi ilm. C'est un saghir fi at-taqwa. C'est un saghir fi al-amal. فهذا on s'écarte. قال وهذا الحكم ليس على إطلاقه في صغير السن. Et cette précision elle est muhimma. أما في صغير السن c'est pas على الإطلاق. أما في صغير العلم on prend pas de lui. Même s'il atteint 80, 90 ou أكثر 100 ans, si c'est un صغير في العلم فلا يؤخذ عنه. Et si c'est un sunni on le respecte إلى آخره. لكن العلم on le prend عند أهل العلم. أما الصغير السن c'est pas على الإطلاق. Et c'est pas tous ceux qui n'ont pas atteint un âge avancé, nous ne prenons pas l'ilm عندهم. قال فقد أفتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغارهم بحضرة الأكابر. Beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait des fatawa, ils ont appelé à l'islam, ils ont fait da'wa, Et كذلك من الأئمة بعدهم et ils étaient très jeunes. Et il y avait des savants, من الأكابر, et plus grands qu'eux en âge, et ils n'ont pas réprimandé. Là, ils les ont laissés et ils ont approuvé. Ça montre أن الصغير في السن, si il a étudié العلم عند العلماء, et il maîtrise son sujet, et il a du علم بمعنى الكلمة, alhamdulillah. Il n'y a aucun mal. On revient, lakin fil ghalib, en général, les personnes âgées, elles ont plus de ilm que les jeunes. Ils ont pris plus de temps. C'est ça l'asl. Wahad qui a étudié 50 ans, en général, il aura plus de ilm qu'un jeune. Maintenant, un jeune, il a 30 ans. Il a étudié l'ilm, il a commencé à 10 ans. Il a étudié, on va dire, 20 ans. Avec le hifd, quand il était petit, il a arrêté jusqu'à 30 ans, on va dire 20 ans. Un autre, il a 80, il a commencé à 10 ans, il a 70 ans d'ilm. Est-ce que 20 ans d'ilm, c'est comme 70? En général, là. C'est ce qu'il veut te montrer, Shrad, salam. Rahmatullah alayhi. Qala illa anna ha'ula yandur wujudu mitlihim fi man ba'dahum. Lakin, il montre que al-al, à notre époque, ils sont rares. Et il est jeune, et c'est des références, fait l'ilm. Qala fa'in wujidu wa ulima salahuhum wa subira ilmuhum fa zaharat rassanatu فظهرت رصانته ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلوم التي معهم وأمنت الفتنة فليؤخذ عنهم. سيفت فتنة لأن c'est pas tous ceux qui ont du علم. بعضهم ils ont du علم لكن يفرق et ils rentrent dans des choses et ils se précipitent. Parce si tout ça الحمد لله ce jeune il connaît sa place et كذلك on se retrouve dans un endroit il n'y a pas de علماء. Ça nous montre qu'il y a des ulama. Maintenant, nous sommes dans notre ville. Hein. Après l'Asr, il y aurait un savant de la Sunna et donne un dars. Est-ce qu'on va faire ce dars maintenant? Abadan. Abadan. On va عند العالم ونستفيد منه. ثم, ceux qui ne comprennent pas, on le résume. Mais si on se retrouve dans un endroit où on a ta'awun, c'est autre chose. Lakin, en gardant notre place, il va faire une autre précision. Ismaou. قال الحجاج بن أرطى رحمه الله كانوا يكرهون أن يحدث الرجل حتى يرى الشيب في لحيته. بعض العلماء يدتستان الرجل يحدث يبخوباج الحديث alors qu'il n'a pas encore de poils blancs dans sa barbe. Il est encore jeune. بعض العلماء كانوا يكرهون هذا pour fermer le bain. وإلا on répète أن بعض المحدثين ils étaient très jeunes et ils ont propagé العلم فالحمد لله. وليس المراد أن يهجر علم الحديث مع وجود الأكابر كلا كانه مع عدم وجود الأكابر لأن مع وجود الأكابر تغفيهم أكابر كأنه ما كانوا وإنما المراد ينزال الناس منازلهم فحق الحدث النابغ أن ينتفع به في المدارسة والمذاكرة والمباحثة أما أن يصدر للفتوى ويكتب إليه بالأسئلة فلا وألف لا لأن ذلك قتل له وفتنة وتغرير. تأملوا هذه الفائدة. revenir à أهل العلم مثل الشيخ عبد السلام ou autre فتستفيد كثيرا. Il faut différencier entre profiter d'un frère. لأن on vit à une époque الآن أن كلما واحد تكلم il a fait un درس أو deux درس أو il est éloquent أو يستفاد منه وبعض الإخوان يزلاف كثيرا et ça fait une fitna. Là, tu profites là, maintenant. Tant qu'il reste à sa place et il n'y a pas de ulama dans l'endroit où tu te trouves ou tu ne maîtrises pas la langue du savant, مثلا l'arabe, فتستفيد من أخيك طالب العلم. لكن قال شيخ عبد السلام رحمة الله عليه أن ينتفع به في المدارسة والمذاكرة والمباحثة. نعم المدارسة on étudie des livres ensemble. Bien sûr celui qui enseigne il a des compétences et المذاكرة et on se rappelle مثلا tu sais une مسألة je sais une مسألة on révise والمباحثة les recherches. لكن il faut que chacun il connaisse bien sa place. فلهذا قال شيخ عبد السلام وأما أن يصدر للفتوى أما ce professeur, ce frère, alors ça devient un mufti. Wa tuktab ilayhi al-as'ila. Aïe les questions. Quand c'est devenu un mufti. Qal fala wa alfula. Et c'est cette erreur là, si on ne fait pas attention, qui divise. Si tu profites de ton frère, fahmadillah, lakin, chacun a sa place. Mais ce frère, ça devient une référence et on ne revient plus au ulama, c'est une fitna. Là, l'ulama, alhamdulillah, mawjoudoun. Enfin, le frère, on s'entraide et on le respecte. Wa nuhibbu, lakin, on ne doit pas être la cause. Qala sha'ad salam, li anna dhalika qatlun lah. Wallahi, c'est comme le tuer. Limada li annahu si c'est un jeune. Et Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam ma fil quloub, si la niya li dha'ifa. Et beaucoup de débutants de jeûne, ils aiment se mettre en avant. Rubbama yanfakhuhu ash-shaytan, shaytan il le gonfle et ça devient une fitna pour lui et pour les autres. Qatlun lah, c'est comme si on l'avait abattu. Li anna, si on lui pose pas de questions, fil haqiqa, on l'aide. Mais on pose des questions, est-ce qu'il va savoir s'arrêter? Bad al-ikhwan, ils ouvrent la porte, c'est une question facile. Ittaqullah. C'est une question facile. Man qala lak? Si c'est une question facile, pourquoi tu la poses? Il n'y a pas de question facile. Man qala lak? Si c'est facile pour toi, peut-être que c'est compliqué pour un autre, peut-être que ça va être une fitna pour celui qu'on demande. Ittaqullah. Même les questions simples, pourquoi on ne revient pas à Ahl al-Ilm? Fas'alu Ahl al-Dhikr. Allah Azza wa Jalla, il a précisé à la su'al, c'est les Ahl al-Dhikr, c'est pas pour tout le monde. Et anta, tu vas poser une question simple. Et il y a des questions simples, bien sûr. Tu vas poser une question simple. Ton frère qui te voit poser la question, Rubbama huwa, il n'arrive pas à différencier, il va venir avec une question compliquée. Est-ce que notre frère, notre mudarris, ce talib, il va pouvoir se contrôler? Et anna shaytan yajri majra ad-dam wa an-nafs ammaratun bis-su', l'insan aime bien se mettre en avant. Et on est faible, on a des faiblesses. Rubbama, il n'arrive pas à se taire, à dire Allahu A'lam, et il répond, et Rubbama, la réponse c'est une musiba. Et comme on a eu des retours, certaines réponses, min ba'd an-nas, wallahi, c'est très très grave. Pourquoi? Li anna, le fautif, c'est celui qui pose la question, et kadhalik, celui qui répond, les deux. Qal Cheikh Abd Salam, il va conseiller. Il va citer des athar, ثم il va conseiller. قال الفضيل بن عياض رحمه الله لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله أو لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود أو يجود ينظر الضبط كلامه لهم صحيح. الفضيل بن عياض من أئمة السلف. Il était connu pour zuhd wa taqwa wa al-wara. Il avait peur pour son nafs. Falihada qala ha'ulaz de a'imma al-an. C'est pas certains juhal qui se propagent dans les réseaux sociaux, il a akhiré. La ha'ulaz c'est a'imma jahabida. Qala law ra'aytu rajulan ijtama'a an-nas hawla. Si je vois un homme et les gens ils se rassemblent autour de lui, la qultu hada majnoun. Et pour lui, hada il est majnoun. Pourquoi? Majnoun ça veut dire il n'a pas la raison. لأن قال من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه لأن celui qui a des suiveurs en général il aime parfaire son kalam, il aime se montrer, il aura du mal à dire je ne sais pas. On est des êtres humains, c'est une fitna, contrairement aux savants, خاصة العالم الكبير, qui a étudié un certain moment, qui a été éduqué par des mashayikh, qui a de l'expérience. Alhamdulillah, il a atteint un niveau, il est loin de hada. Enfin, pourquoi nous se mettre en avant et ne pas conseiller à nos frères d'aller inda al-mashayikh, al-kibar, al-rasikhin? Pourquoi? Khassatan fi an-nawazil. On est arrivé à une époque, wallahi, ba'd an-nas, il parle dans des masail kabira jidda. Des nawazil, des choses qui touchent la umma. Que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans des guerres, que ce soit des fitaines, que ce soit des choses. Wallahi, normalement, on ouvre la bouche. Et tu trouves, wa'ad an-nas, sharh wa tafsil wa tafsir wa qil wa... Qala al-Fudayl, man alladhi ijtama'a an-nas hawlahu la yuhib an yujawwid kalamahu lahum. Et de nos jours, là, des milliers de sueurs. Wa'ad an-nas, ils se sont mis en avant. Au début, c'était que pour un dars, que pour un conseil. Thumma ibtila, une épreuve, des milliers de suiveurs. Wallahi, normalement, ça ne doit rien nous faire. La nafrah bihada. Les suiveurs, ça peut être un ibtila. Ça peut être une épreuve. Wa'adannas, l'un des milliers de suiveurs. Tu le conseilles, hein, Foulan, et taqillah, t'as pas le niveau pour parler. T'as jamais étudié. Tu dois revenir à inda ahlil ilm. Personne ne met en cause l'intention de un tel ou un tel. Lakin, on veut ton bien. Si tu as une bonne intention, les efforts que tu fais, délaisse hada. Le kalam, il est hazil, il est wa'if. Des choses qui ne sont pas claires. Ça fait que t'es fitan. L'imada, tu délaisses pas hada. Et tu reviens au savant de la sunna. Tu apprends, fais des efforts. Un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, quinze ans. Allah yam fa'abik. Et on ne te dit pas de ne pas parler, on dit à personne de ne pas parler. Lakin, chacun à sa place. Amma, une da'wa, des suiveurs. Al-insan, il ne tlob même plus l'in. Il n'étudie plus, il ne fait que enseigner. Alors qu'il n'a jamais étudié. C'est une musiba. Et Bardoum, ils ont ouvert la porte aux questions. À la fin du dors, les questions. Et les kutub. Et na'oudou billah. Si on applique la parole de l'Fudail, hein, hada majnoun. Pour eux, il était majnoun, ce que les gens ils se rassemblaient autour de lui. Les nas, c'est une fitna. Al-An, ils ne se rassemblent pas directement autour de toi. Lakin, ils te suivent sur les réseaux sociaux. Et wallah, al-fitna, les a'adam. Khas, certaines générations qui ont été élevées sur ces bases. Ce n'est pas comme les salaf. Ils ont été élevés, la modestie. Beaucoup, ils étaient touchés par la pauvreté. La pauvreté, ça éduque. Beaucoup, ils avaient des parents salihin. Et ils ont été élevés fil masajid. Enfin, ça a donné une génération de akhyar. Malgré cela, ils avaient peur pour leur neuf. Ma génération, élevée, les célébrités, télé-réalité, sport, tout ce système, c'est pour se montrer. Tout ce qu'il y a à la télé, le sport, c'est pour se montrer. Qui c'est qui va gagner? Les films, c'est pour se montrer. Tout le système, c'est fait pour se montrer. Tu dois te montrer. Là, il rentre dans la da'wa, vu qu'il n'a pas de l'oblé, la première chose, il veut se montrer. Quand tu lui dis, ya akhi, et taqillah et tout, khalas, il croit que t'es jaloux, tu veux pas s'entrer. Jahloun. Jahloun. C'est pour ça qu'on conseille d'aïman revenir à ahl al-ilm et délaisser al-jahl ou al-juhal. Qala, wa qala aydan, ayy al-fudayl, balagani anna al-ulama fima madha kanu ida ta'allamu amilu, wa ida amilu shagalu, wa ida shagalu faqadu, wa ida faqadu talabu, fa ida talabu harabu. Amma les alifs qui sont dans ma nusra, qui sont avant faqadu wa talabu, hada ka'annahu c'est en plus. Ça a été rajouté. Wa illa fa sawab faqadu talabu. Fa ida talabu harabu. Ta'ammal qawlahu harabu. Et à leur époque, l'insan, quand il apprenait, plus il apprend, plus il est modeste. Ba'du salaf, quand ils sortaient, ils étaient connus pour l'ilm, a'imma, ils se cachaient des gens. Ils essayaient de prendre un chemin que personne ne les voit. Les Nessa, Foulani va lui demander. Ils avaient peur. Ba'd al-A'imma, al-Omara, il leur demandait d'être gouverneur. Ils faisaient tout pour refuser. Ba'd al-Hum, ils se sont enfuis. Ils ont changé de pays. Pour ne pas devenir, j'ai dit gouverneur, un juge. Il y en a un juge, il va donner des sentences, des jugements. Ba'd al-A'imma, tout ça, minhum soufiane, ils ont essayé de s'enfuir, de délaisser. Ils avaient peur pour leur nefs. Personne ne les appelle et c'est eux qui viennent. Ce n'est pas la même chose. C'est deux générations différentes. C'est deux éducations différentes. L'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, il considérait, il était très populaire, surtout après Fitnat Khalq al-Qur'an. Il était connu. C'est devenu une référence, la référence à son époque. Rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu. Pour lui, c'était une épreuve. Il aurait pu la repousser, que personne ne connaît, il l'aurait fait. Ha'oula, Allah subhanahu wa ta'ala, limada il les a élevés. Man tawada'a lillah, rafa'ahu Allah. Celui qui est modeste, Allah il l'élève. Cheikh Mukbil, rahmatullah alayhi, au Yémen, à Damaj, un village au nord, éloigné. Et à son époque, il n'y avait ni les réseaux sociaux, ou le cheikh dans son masjid. Allah rafa'a. Il n'a jamais cherché la popularité ou la célébrité ou les suiveurs. Allah subhanahu wa ta'ala rafa'a. Wa'adannaz l'an, ils font tout pour s'en faire connaître et ils sont connus pour ash-shar ou dunya. Donc ça revient fil haqiqa an-niyya, l'intention. Qala Cheikh Abd Salam, on termine. Faya ayyuha at-tullab, idha aradtum al-ilm min manabi'ihi, fa hahum al-ulama al-kibar alladhina shabat lihahum ونحلت جسومهم وذبلت قواهم في العلم والتعليم، الزموهم قبل أن تفقدوهم، واستخرجوا كنوزهم قبل أن توارى معهم، أي تدفن معهم. وفي الليلة الظلماء يفقد البدر، أو يفتقد، نعم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. Quand la nuit elle tombe et il y a des nuages, on ne trouve plus la lune. Tu ne peux plus t'éclairer. هكذا quand les ulama ils disparaissent, ils partent. ثم les regrets. فالإنسان il en profite. العلماء موجودون. العلماء الكبار. Que ça soit kibar في السن والعلم ou kibar, même si ils sont pas vieux, là qui ils ont du ilm. أهم شيء العلم. Et on répète الغالب أن العلم il faut du temps. C'est pour ça que, hatta de nos jours, les savants qui sont plus âgés sont beaucoup plus nombreux. On revient à haoula. Nasihatun min hada al-alim, Cheikh Abdussalam. Qala ayyuha al-tullab, ida aradtum al-ilm. Si vous voulez l'ilm, et vous voulez profiter, on doit appliquer hada. Et ça ne doit pas être que des paroles. Thomas, on sort, khalas, une question, des messages à foulan. Et taqwallah, on doit tous craindre Allah. Et aslan, et là, je vous conseille هذا. Aslan bab al-as'ila. On n'a pas besoin de trop de questions, on a besoin d'amal. Tu sais qu'il faut faire salat, fais salat. Tu sais qu'il faut apprendre l'ilm, apprends. Tu sais qu'il faut apprendre le Coran et le sunnah, fais des efforts, apprends par cœur. Fais des efforts dans tout ça. As-sunan, tu sais que c'est bien de jeûner lundi et jeudi, essaye, fais. Tu sais que c'est bien de faire qiyam al-layl, fais. Tu sais que c'est bien de faire salat al-duha, applique. Vous allez voir que si on applique ce qu'on sait déjà, on n'aura pas le temps pour les questions. Kadhalik, notre époque c'est devenu comme du journalisme. Des questions de curiosité, des questions. Des fois, ils savent pas. Et ils disent, je pose cette question, c'est comme ça. Ça doit pas être ça, là. Poser des questions, c'est pour l'amal. S'il n'y a pas d'amal, on n'a pas besoin de questions. Il y en a la question, il faut la poser à quelqu'un. Et nous, on n'a pas contact avec les savants d'Aïman. Et vous aussi. Et Ahyanan, tu ne peux pas rentrer en contact avec eux, ferme le bain. Laisse les questions que l'essentiel. Laisse les questions que pour les choses importantes. Mais apprends. Apprends ce que tu peux et applique. On cite Hadal et la plupart de ces fitnas, c'est les questions. Revenir aux mauvaises personnes, Thomas des mauvaises réponses, Thomas du char. قال تنبيه في هذا الزمن اختل معيار كثير من العامة في تقييم العلماء فجعلوا كل من وعظ موعظة بليغة أو ألقى محاضرات هادفة أو خطب الجمعة مرتجلا أي بدون تحضير أي من حفظه عالما يرجع إليه في الإفتاء ويؤخذ العلم عنه وهذه رزية مؤلمة وظاهرة مزرية وهنا هنا مرزية الزي ils l'ont écrit après le ra et c'est une faute d'imprimerie وظاهرة مزرية الزي اللي avant le ra تطاير شررها وعما ضررها إذ هي إسناد العلم إلى غير أهله وإذا وسد العلم إلى غير أهله فانتظر الساعة. Ça c'est un tambih muhim. Une remarque très très importante de Shura de Salah. On est d'accord qu'il faut revenir aux savants. Savants de la sunna, al-rasikhoun, al-thabitoun, al-nasikhoun. Et le résumé de la parole de Shura de Salah, c'est qu'en général, ils sont âgés. Et ça ne veut pas dire que s'il est jeune et il a du ilm et c'est un savant, on ne prend pas de lui. Abadan, lakin, haoula, ils sont peu. Ça c'est le khulasa. Donc on va les appeler al-an al-akabir ou al-kibar. Il fait un tambihuna an-nawad al-shabab. Ils veulent revenir au kibar, lakin fil haqiqa hada al-kabir il a une mauvaise définition. Fahoua il te dit na'am, il faut pas prendre l'ilm inda al-sighar, faut prendre l'ilm inda al-kibar. Et quand tu vois vers qui il revient, tu comprends qu'il a pas compris. Falihada qal shir al-salam. Ba'd an-nas ils ont mal compris. Fa indahum c'est quoi le mizan? Pour eux, c'est qui le savant? فَجَعَلُوا كُلَّ مَنْ وَعَظَ مَوْعِضَةً بَلِيغًا. مثلاً, il a fait une muhadara. Il a fait pleurer. Il est très très éloquent. كَذَلِكِ il fait le khutbah sans feuille. مِنْ حِفْضِهِ كَذَلِكِ il connaît le Coran, il connaît des ahadith. Il a donné un dars, deux dars. Il a enseigné tel livre, عندهم, c'est bon, c'est un alim yurja ilay. C'est pas hakada. C'est pas hakada. Al-alim, c'est celui que l'alim va te montrer, c'est un alim. C'est hada l'alim. Ama on ouvre la porte, un khatib, ça devient alim, imam majid, ça devient alim, un mudaris, ça devient alim. C'est pas comme ça. Abadan. Al-alim, il y a des darajat, il y a des niveaux. قال عالما يرجع إليه في الإفتاء ويؤخذ العلم عنه. المشكلة أن بعض الشباب vu qu'ils voient qu'un tel est dans des durus, un tel il a fait le khutbah, un tel il est éloquent, un tel il connaît le hadith, un tel il a cité telle mas'ala. خلاص, pour lui c'est comme un savant, il revient vers lui. Pourquoi? Pour les questions. On vous a dit que le problème c'était هذا. Et ça c'est une erreur. فلهذا قال شيخ عبد السلام فليحذر الطالب في أخذ العلم عن هؤلاء إلا إذا كانوا من أهل العلم المعروفين فما كل من أجاد التعبير كان عالما. تأملوا هذا. فما كل من أجاد التعبير يكون عالما. التعبير سي إلي إلوكو. C'est pas tous ceux qui maîtrisent l'arabe, خلاص, c'est un عالم, il parle bien l'arabe. لا. C'est pas ça, الميزان. Ça c'est طيب, c'est important, لكن ça suffit pas pour être un savant. C'est pour ça que le début de la phrase est important. قال إلا إذا كانوا من أهل العلم المعروفين. المعروفين عند من, si on vous pose la question. معروف عندي أو عندك أو عند الجهال. لا. المعروفين عند العلماء. فسي on demande à tel savant مثلا, est-ce qu'on peut revenir à lui? Et il te dit نعم. هذا c'est un شيخ فاضل. Est-ce qu'on peut revenir avec lui, vers lui pour nos fatwas? نعم الحمد لله. أما il est معروف عندنا, on demande entre nous, نعم le frère on le connaît. C'est pas هكذا. C'est pas hakada, les anna, avec nos faiblesses, notre ignorance, on peut pas savoir est-ce que Foulan il est apte. Amla, surtout pour le fatwa. قال الشيخ عبد السلام وليس معنى ما تقدم كما يفهم البعض عدم الاستماع إليهم. الحقيقة إلى لخص المسألة في هذا الباب تلخيص جميل. Une autre remarque, ça veut pas dire qu'on prend pas l'ilm عندهم, on prend rien. Maintenant, on dit là, ce frère, il est éloquent, il a khali, lakin, c'est pas un savant, je prends rien de lui. Là, personne dit bihad. Vous avez entendu la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, hatta le kutub, hatta les audios testafid, et les kutub, et testafid de ton frère, s'il a du ilm. Ça, c'est une chose. Lakin, il faut pas mélanger. Qala, kama yafham al-ba'd, adam l'istima ilayhim, ou al-intifa, bimawa'idihim, kalla. إنما المراد عدم أخذ العلم الشرعي عنهم وعدم رفعهم إلى منازل العلماء والله الموفق. عدم أخذ العلم الشرعي s'ils sont pas compétents. S'ils sont compétents, مثلا comme on a cité, comme il a cité Cheikh Abd Salam, on a ce frère, tu profites et il a du ilm et il n'y a pas de ulama dans l'endroit où que tu es et tu profites par rapport à ce qu'il a, فطيب, لكن chacun à sa place. فلهذا قال Cheikh Abd Salam وعدم رفعهم إلى منازل العلماء. Et c'est ça le fitna. C'est de faire monter, élever une personne qui n'est pas un savant au niveau des savants et tout se mélange. Entabihou. Kadalik, c'est pas tous ceux qu'on appelle shir, anahu, c'est un savant, anahu. Les anna, à notre époque. Et ça, c'est un tambih qu'on rajoute. Anna, à notre époque, ba'dannas, tawassa'ou dans le mot shir. Wahid qui a un peu d'ilm, qui a donné deux durus, qui a écrit un livre, khalas, c'est un shir et ça devient une référence. Et il délaisse al-ulama, al-kibar. الراسخون خاصة dans les sujets délicats في النوازل. Et ça c'est un khatay, c'est une cause de fitna. On doit revenir à أهل العلم et on doit pas faire passer des gens avant eux. Ça veut pas dire qu'on qallad abadan. Dès qu'on dit revenir à أهل العلم, ça veut pas dire un parmi les autres et on prend que son qawl. Ça c'est du taqlid, la yajouz. Là, revenir à أهل العلم, ça veut dire revenir à ulama al-sunna et bien sûr avec l'intention de suivre الدليل. Enfin, on fait attention à هذا التوسع في المسميات. Élever واحد alors que c'est pas sa place. Wallahi, c'est pas lui rendre service. Al-Khulasa, ce darj, il est très très important. Et on résume, on a les questions, on pose pas à n'importe qui. Khas, certaines les questions importantes. Ba'd al-Ikhwa, Obama, il pose des questions sur le divorce, sur des omour azima de famille. Avec ses parents, il a des problèmes, des choses. Obama, la réponse, elle implique, ou plutôt la conséquence de la réponse, ça peut être anahu il délaisse sa femme, ou il délaisse son foyer, ses parents, ou des questions muhimma matalan al-akh, il a une entreprise, un gros investissement, une question wahid il répond une seconde, rubbama, c'est pas comme ça. Ça c'est des masail importantes, li anna as-sa'il il a un haqq, bel il a des huquq, il a des droits. فالإنسان يتقي الله. Si on te pose une question et tu ne sais pas, Allahu a'lam. Et si tu sais, est-ce tu le vois, qu'annahu yatlub al-ilm, c'est un talab al-ilm, habitue-le plutôt, conseille-lui de revenir à l'ulama. Et de ne pas s'habituer à revenir vers moi, ou vers toi, ou vers un autre. Amma jahil, ami, maintenant comme nos parents, comme certains membres de nos familles, comme certains de nos voisins, la ya'rif shay. ثم il te demande et tu lui dis là il faut revenir à l'ulama ma yadri huwa ulama ou fahada c'est pas min al-hikma, il ne faut pas tout mélanger. Cheikh Abdussalam, la risala c'est pour talabat al-ilm. Amma ton voisin ou tes parents ils te demandent une mas'ala muhimma, est-ce que je peux faire salat dans cet endroit, est-ce que ça c'est une sunna, et tu sais, alhamdulillah, montre-lui. Et même avec ha'oula on doit craindre Allah et craindre Allah les annahum ils ont un haq. Si tu ne sais pas ma'a ha'oula, tu dis Allahu a'lam, je vais me renseigner. Si tu peux rechercher, tu recherches. Si tu n'as pas les compétences, tu demandes. Et somma, tu lui en mets la réponse. Et ça, c'est un nou' tayyib de da'wa. Et c'est une cause tayyiba pour propager l'ilm. Ala kulli hal, hadha al-bab, ça revient à taqwa. Et ça revient à l'intention. C'est pour ça que pour l'étudiant, au départ, il faut étudier al-tawhid. Wa al-aqida, ça fait monter la foi. Wa al-talibi khaf Allah. Et Inch'Allah ta'ala, cette aqida, elle l'aidera beaucoup. Amma, la langue arabe. Et aucun effort dans le tawhid, l'aqida, rubama, le cœur est durci. Donc, il y a des af'al et des aqwal qui khalif al-haq. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, al-thabat, wa salama, wa al-afiyah, wa an yujannibana al-fitan, ma zahara minha wa ma batan, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihada.